Chapitre 4. Le château de Beaulieu. Le soir tombé, lorsque Marcel Leguet et son ami Léon Sauvage, tous deux habilement déguisés, arrivèrent devant le château de Beaulieu. Ce manoir avait été construit sous Henri IV et maintes fois restauré. Il avait un aspect majestueux et hautain. Il se dressait au sommet d'une colline et était entouré d'un parc et d'une forêt. À un quart de lieue environ, s'élevait, dans un site pittoresque, un vieux monastère en ruine dont on apercevait les vestiges des tours du châtelain de Beaulieu. Plus loin, c'étaient des montagnes escarpées et des forêts profondes. Marcel Leguet se fit annoncer sous le nom de chevalier Gaston Terrail de Bayard d'Arsac de Savignac. Il avait pris une attitude de mousquetaire moderne qui lui seyait à ravir. Moustache relevée d'une façon conquérante, la royale en bataille, le regard hardi et légèrement dédaigneux, la lèvre volontaire et ironique. En apprenant l'arrivée de son ami le chevalier d'Arsac, le jeune comte Louis de Beaulieu bondit de joie et accourut les mains tendues. « Ah, mon cher chevalier, dit-il à Marcel Leguet, je ne saurais vous dire combien je suis heureux de vous revoir. » « Tout va bien, pensa le gentilhomme cambrioleur. Il me prend pour le véritable d'Arsac. J'ai donc bien travaillé. Continuons à jouer notre rôle et imitons maintenant l'accent si particulier de notre Gascon. » Et il s'écria « Mordius, mon cher comte, nous partagerons ce bonheur à deux, et par les cornes du diable, j'en prendrai une large part. Permettez-moi de vous présenter un mien ami, le vicomte Léon de Sauvant. » Et Leguet présenta Léon Sauvage, à qui le comte de Beaulieu fit le meilleur accueil. Puis l'on passa dans le salon, et enfin dans la salle à manger, où le dîner allait être servi. Le repas fut des plus gais et le gentilhomme cambrioleur put se rendre compte qu'il jouait son rôle dans la perfection. Il avait d'ailleurs vu naguère, à maintes reprises, le chevalier d'Arsac et, grâce à son don d'assimilation vraiment étonnant, il connaissait son homme sur le bout des doigts et l'imitait d'une façon inimitable, disons le mot. Nous l'avons dit, Leguet était un homme frotté. Cependant, notre aventurier ne put réprimer un frémissement lorsque, au cours de la conversation, le comte de Beaulieu fit mention d'une lettre d'invitation qu'il avait adressée quelque temps auparavant. Le chevalier d'Arsac avait donc reçu une missive. S'il allait y répondre ou arriver un beau matin au château de Beaulieu. « Il sera prudent de ne pas perdre de temps, pensa Leguet, et d'agir au plus vite. » Le comte de Beaulieu ordonna que des appartements fussent mis à la disposition du prétendu chevalier et de son compagnon. Par une heureuse coïncidence, ces appartements étaient voisins. Vers 10 heures du soir, Marcel Leguet et Léon Sauvage prirent congé de leur hôte et se retirèrent dans leur chambre. « Sois prêt à 11 heures, chuchota le gentilhomme cambrioleur à l'oreille de son ami en le quittant. À 11 heures sonnantes, Leguet, s'étant armé d'une lampe électrique de poche qui faisait partie de son attirail, se faufila dans les ténèbres du château. Sauvage l'attendait. « Le moment d'agir est venu, dit Leguet. Es-tu armé ? » ?»« Oui. » « Bien, suis-moi. Il s'agit de trouver l'entrée du fameux souterrain. » À la lueur de sa lampe, il relut la traduction du mystérieux manuscrit. « Entrée du souterrain par le château. » Vous soulèverez le bras du Christ de la salle des gardes. Il faut donc, avant tout, remarqua Leguet, trouver cette fameuse salle des gardes qui, comme tous les anciens châteaux, est une des pièces les plus spacieuses du manoir. Cherchons. Au moyen d'une pince monseigneur, il ouvrait les portes, puis il avançait à pas de loup, parcourait les chambres silencieuses et désertes, suivi de son compagnon. Enfin, tous deux arrivèrent dans une salle haute et spacieuse, ornée de panoplies. « Regarde, dit Leguet en élevant la main. » Et il montrait un gris de cuivre massif qui, encastré dans le mur, dominait l'âtre. Leguet monta sur un siège et atteignit le Christ. Il essaya vainement de faire mouvoir le bras droit, mais le bras gauche oscilla sous son effort. Et soudain, un déclic sourd se fit entendre. Au même instant, tout un pan de mur s'ouvrit, découvrant un passage secret dissimulé dans l'épaisseur de la muraille. « Tout va bien !» murmura Sauvage. Dans l'ouverture béante, un escalier lui apparut, escalier en spirale qui s'enfonçait dans les ténèbres humides. Sans hésitation, le guet descendit, toujours suivi par Sauvage. L'escalier, à une profondeur d'une dizaine de mètres, donnait accès à un vaste couloir. Les deux jeunes gens s'engagèrent dans les souterrains. Ils suivirent ainsi une longue galerie où débouchaient des couloirs plus étroits. « Revoyons le manuscrit, » dit le guet. « Qui lisons-nous ? » « La galerie à gauche, après avoir franchi la porte de fer. » « Il faut donc trouver cette fameuse porte. Où est-elle ? » « Cherchons. » « Bigre, il fait froid dans ces entrailles de la terre. Quelle atmosphère méphitique ! Regarde donc, mon vieux sauvage, l'eau coule le long de ses parois. Comme c'est beau, comme c'est grand, comme c'est vaste, on s'y perdrait. Ah, enfin, voici, selon toute vraisemblance, la fameuse porte de fer dont parle le manuscrit. Une grille aux énormes barreaux de fer rouillés barrait en effet le couloir. Le guet voulut l'ouvrir, mais elle résista à ses efforts. Il aperçut une formidable serrure dans laquelle il essaya de faire tourner son passe-partout et sa pince Monseigneur. Mais tous ses efforts furent vains, la grille résistait. « A-t-on idée, maugréa le guet, de fabriquer des serrures semblables ? C'est de notre âge. Il est vrai que ça a été fabriqué en un temps où l'on n'avait pas encore inventé les pinces Monseigneur. C'est anachronique et embêtant. Hum, hum, faisait Sauvage, très embarrassé, en essayant d'ébranler la formidable grille. M'est avis, gronda le guet, que nous ne parviendrons à nous frayer un passage qu'en limant ces barres de fer. Ça nous demandera malheureusement du temps. Mais qu'y faire ? C'est le seul moyen. Il tira de sa poche deux limes et en tendit une à son compagnon. Tous deux attaquèrent un barreau. Ils travaillèrent ainsi pendant près d'un quart d'heure. C'était un grincement lugubre que celui des limes dans le silence mortel des souterrains. Soudain, le guet leva l'oreille. « Chut ! » dit-il à son ami. « N'as-tu rien entendu ?»« Oui, un bruit de pas étouffé. Nous aurait-on épié et suivi ?»« Attendons. Silence !» Tous deux prêtèrent l'oreille. Par moments, ils entendaient dans le silence un frôlement, un glissement léger, puis le silence se rétablissait. Tout à coup, ils aperçurent devant eux, derrière la grille, tout au fond de la galerie ténébreuse dont le passage leur était interdit, une vague lumière tremblotante. « Qu'est cela ? » balbutia le guet. « Attendons, le bruit se rapproche, dirait-on. « Oui ? » La lumière pâle avançait dans la direction des deux amis. Bientôt, ils distinguèrent une lanterne sourde qui, par instant, jetait des clartés plus vives. Puis une grande forme noire apparut indistinctement, suivie d'une autre forme. Et ces deux apparitions s'approchaient avec un grincement sourd. Le guet remit en poche sa lampe électrique et, caché dans l'ombre, il attendit en recommandant à Sauvage de garder le plus profond silence. Bientôt, la mystérieuse forme noire apparut. C'était une haute silhouette humaine, toute recouverte d'un manteau qui avait l'aspect d'un suaire noir ou d'une large cagoule dont le capuchon cachait entièrement le visage. Derrière cet étrange personnage s'avançait une apparition plus étrange encore. C'était un corps de femme sans tête. Oui, une femme sans tête. Le guet et Sauvage distinguaient parfaitement le corps vêtu d'une robe pâle, le buste droit, les bras ballants, les épaules et une partie du cou. Mais sur ce cou, il n'y avait point de visage. Malgré tout le scepticisme railleur dont les avait doués le XXe siècle, les deux jeunes gens frémirent. L'homme à la cagoule ou au linceul noir était certes impressionnant. Cependant, on pouvait imaginer en lui un être vivant. Mais la femme sans tête, aucune femme ne vit ainsi si ce n'est au figuré. De tout temps, le cerveau a été un organe indispensable dont l'audacieuse chirurgie n'a pas encore songé à nous débarrasser. Le guet sauvage, contemplant ce spectacle, ressentait un petit frisson. Il ne savait quel parti prendre. Les deux êtres mystérieux s'avançaient vers eux. Ils n'étaient plus qu'à une dizaine de mètres de la grille lorsque, tout à coup, ils disparurent tous deux comme par enchantement. Cependant, une dernière lueur de la lanterne sourde erra quelques instants sur les parois de granit. « Où sont-ils passés ?» chuchota Sauvage. « C'est bien simple, » répliqua Le Guet. « Ils ont obliqué et se sont engagés dans une galerie transversale. Le dernier reflet de la lanterne le prouve. « Mais qu'est-ce pour des Maccabées ?»« Ah, là est la question. Je ne m'attendais pas à celle-là. Moi non plus, par exemple. » La femme sans tête est tout particulièrement impressionnante. « C'est mon avis. Comment expliques-tu cette double apparition ?»« Je n'explique rien du tout. Ça m'a coupé bras et jambes. Que faisons-nous ? Attendons un instant. » Les deux amis attendirent, mais les êtres mystérieux ne reparurent plus. « Remettons-nous à l'ouvrage, » dit Le Guet. Les limes grincèrent à nouveau, mais le travail produisait peu d'effet. Les outils employés étaient trop fins pour entamer rapidement des barreaux de fer de cette grosseur. « M'est avis, dit Sauvage, que nous ferions bien de remettre notre travail à demain et de nous munir de limes plus puissantes. » « Tu as raison, réplique Le Guet, nous reviendrons demain mieux armés. L'heure s'écoule, d'ailleurs, et il importe de ne point éveiller les soupçons. Retournons. » Le Guet et Sauvage reprirent le chemin qu'ils avaient parcouru. Rentré dans la salle des gardes, Le Guet abaissa le bras du Christ et, comme il avait prévu, le mur, mu par un mécanisme intérieur, se referma, cachant le passage secret. Puis les deux amis rentrèrent silencieusement dans leurs appartements et s'endormirent en songeant à la mystérieuse femme sans tête.